Chapitre 17e. Serment à deux voix. Ce matin-là, le château d'Avron semblait baigné dans une lumière particulière, comme si le soleil lui-même avait choisi de bénir l'union qu'elle est si scellée. Les grandes baies vitrées laissaient pénétrer des rayons dorés qui dansaient sur le sol de marbre, rehaussant la splendeur des décorations soigneusement disposées. Des drapés ivoires cascadaient le long des colonnes de la salle principale, tandis que des bouquets de roses blanches et d'hortensias bleues perles ornaient chaque recoin, exhalant un parfum délicat et envoûtant. Loin de l'effervescence parfaitement orchestrée dans les salons du château, Victor ajustait son nœud papillon devant le miroir de sa chambre. Habillé d'un costume de cérémonie en laine et soie d'un gris anthracite lumineux, signé Brioni, il avait opté pour une coupe intemporelle, sublimée par un gilet croisé en satin noir. Une chemise en coton blanc immaculée, griffée charbet, agrémentée d'un col cassé et d'un plastron discret, apportait une touche de raffinement classique. Une pochette en soie ivoire, soigneusement pliée, rehaussait l'ensemble d'une élégance sobre. À ses pieds, des ricardes Frecchia, impeccablement cirées, complétaient ce tableau d'une sobriété sophistiquée, reflet de l'équilibre recherché entre tradition et modernité. Ses doigts effleurèrent distraitement les boutons de manchette en or jaune, signé Boucheron, que Camille lui avait offert quelques mois plus tôt. Quatre carrés incrustés de diamants scintillaient sous la lumière, symbole à la fois de luxe et d'ironie. Après tout, ils étaient devenus des membres officiels du club des millionnaires du crime. À cette pensée, un sourire en coin éclaira son visage, mêlant incrédulité et amusement devant le chemin parcouru en si peu de temps. Un instant, ses pensées dérivèrent, le ramenant à ce jour où il avait foulé le sol français après des années passées de l'autre côté de l'Atlantique. Il se revit, débarquant d'un avion, une offre d'emploi prestigieuse de Dupont de Nemours en poche et des rêves de prix Nobel plein la tête. Persuadé alors que son avenir s'écrirait à coups de formules chimiques et de découvertes scientifiques. Et pourtant il était là, aujourd'hui, prêt à épouser une femme exceptionnelle dans ce château qu'il avait autrefois rêvé de fuir. Grâce à Camille de la Modiquière, avec sa noblesse altière, sa beauté éblouissante et son esprit vif, Victor avait retrouvé un ancrage solide dans une réalité qu'il avait longtemps rejetée. Cette jeune baronne, à la fois majestueuse et audacieuse, l'avait arrachée à ses chimères pour lui redonner un sens qu'il croyait perdu. Lui qui méprisait l'idée de devenir cet aristocrate, qu'il qualifiait avec amertume de fin de race, s'était métamorphosé en un homme réconcilié avec son héritage. Ce retour triomphal dans une caste qu'il avait fui n'était pas un renoncement, mais une affirmation. Grâce à Camille, il avait compris que l'héritage n'était pas une entrave, mais un socle, une base pour bâtir quelque chose de nouveau. Il ajusta un pli imaginaire sur sa veste, cherchant un instant son souffle. Son regard s'arrêta sur le blason familial, gravé dans la pierre du manteau de la cheminée. Ce saumon stylisé, symbole des Poisilles d'Avron, représentait la résilience face au courant contraire, une métaphore qui n'aurait jamais trouvé d'écho en lui il y a encore quelques années. Longtemps, il avait vu cet héritage comme un poids, un carcan. Aujourd'hui, il y voyait une force. Ce nom, ces terres, cette femme à ses côtés, tout cela formait désormais un tout indissociable de ce qu'il était. Victor avait appris à aimer d'un amour qu'il n'aurait jamais cru possible, profond, vibrant et au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Et plus encore, il avait appris à s'aimer. Victor inspira profondément, sa main effleurant les boutons de manchette que Camille lui avait offerts. L'éclat des diamants, subtil mais irrésistible, semblait lui murmurer un rappel silencieux. Il n'était plus seulement l'héritier d'un nom. Il était un homme qui avait trouvé son équilibre entre les mondes qu'il avait cru incompatibles. Un coup frappé à la porte le tira de ses pensées. Avant qu'il n'ait eu le temps de répondre, la porte s'ouvrit sur son cousin, Arnaud le Grisier d'Herbauges, qui entra avec son énergie habituelle, ajustant les boutons de sa veste. « Ah, te voilà, monsieur le promis » lança-t-il en s'approchant d'un pas décidé. Alors, prêt à affronter la foule, ou faut-il encore que je joue les chaperons de service ? Victor se retourna, faussement exaspéré. « Pas besoin de chaperon, merci. Contente-toi de jouer ton rôle de témoin. D'ailleurs, tu n'as pas perdu la bague, au moins. » Arnaud leva les mains en signe de protestation, un sourire malicieux aux lèvres. « Moi, perdre la bague. Voyons, Victor, je suis peut-être imprévisible, mais pas irresponsable. » Victor éclata de rire avant de hausser les épaules. « Très bien. » « Je te fais confiance, mais j'avoue que j'aurais bien profité encore un peu du calme avant la tempête. » Arnaud éclata à son tour d'un rire franc, se plantant devant lui, les bras croisés. « Du calme, mon pauvre ami, ce mot n'a plus sa place aujourd'hui. Tes parents sont déjà en bas, prêts à accueillir les invités avec leurs sourires des grandes occasions, et tes futurs beaux-parents ne sont pas en reste. La mère de Camille supervise les derniers détails floraux avec la gouvernante comme si elle organisait un mariage royal, et son père vérifie la disposition des chaises pour la 10e fois. Bref, tout le monde est sur le pont, sauf toi, la pièce maîtresse de ce tableau. Alors en piste, monsieur le promis. » Victor hocha la tête, amusé malgré lui. Il jeta un dernier regard à son reflet dans le miroir. C'était étrange, cette sensation d'être à la fois au centre d'un monde et pourtant en paix avec lui. « Très bien, » dit-il en se redressant. « Je descends. » Arnaud lui adressa une tape fraternelle sur l'épaule, son ton toujours teinté de malice. « Voilà qui est mieux. Allez, viens. Les premiers invités arrivent, et tu sais comme tante Hélène adore être la première à commenter, surtout quand il s'agit de ta tenue. » Victor leva les yeux au ciel, amusé malgré lui, mais suivit son cousin hors de la pièce. Tandis qu'il descendait l'escalier monumental du château, les échos des conversations animées et le tintement des verres du pot d'accueil leur parvinrent depuis le hall d'entrée. « Alors, » reprit Arnaud d'un ton malicieux, « pas un mot sur Camille à mon église, compris? Pas de tricherie. »« Tu me connais, » répondit Victor avec un sourire en coin. « Je respecte la tradition. Je n'ai pas l'intention de briser la magie du moment, ni d'attirer la moindre once de malchance sur ce jour. Mais merci de veiller à ce que je reste dans les clous. » Ils éclatèrent de rire en atteignant le rez-de-chaussée où les portes grandes ouvertes laissaient entrer une lumière éclatante et une brise légère. Victor inspira profondément. Oui, il était prêt. Prêt à accueillir les invités, prêt à marcher jusqu'à l'hôtel, prêt à épouser Camille. Dans la lumière douce de ce milieu de matinée, tamisée par les rideaux de dentelle ivoire, la chambre de Camille ressemblait à un cocon suspendu hors du temps. La vaste pièce, ornée de moulures délicates et de tableaux anciens, semblait vibrer sous l'anticipation du moment à venir. Sur le lit à baldaquin, une étoile de soie et un voile, délicatement brodés, attendaient d'être drapés sur les épaules de la mariée. Une robe immaculée, accrochée à un mannequin près de la fenêtre, jetait des éclats de lumière, comme si elle aspirait à refléter la perfection de celle qui allait la porter. Camille, menue et gracieuse, se tenait assise devant la coiffeuse, encadrée par un grand miroir doré. Ses boucles brunes, encore libres, tombaient en cascade sur ses épaules, captant les nuances chaudes des rayons de soleil, filtrant à travers les rideaux. Une coiffeuse professionnelle, concentrée, manipulait ses cheveux avec des gestes précis, sculptant une coiffure qui sublimait la finesse de son cou et la délicatesse de son visage. Les épingles scintillaient entre ses doigts, ajoutant une touche d'éclat à l'élégance naturelle de Camille. Non loin, Adèle, sa sœur aînée, était assise près de la fenêtre, silencieuse. Ses mains croisées reposaient sur ses genoux et son regard oscillait entre une tendresse manifeste et une pointe de jalousie qu'elle peinait à dissimuler. Elle incarnait à la fois la protectrice bienveillante et la mémoire des premières audaces de Camille, de ses rêves démesurés et de ses fragilités oubliées. « Tu es magnifique, » murmura-t-elle enfin, brisant le silence avec une douceur presque solennelle. « Je crois que je ne t'ai jamais vue aussi resplendissante. » Camille lui adressa un sourire fugace à travers le miroir, ses yeux noisettes vibrant d'une énergie contenue. « Merci, Adèle, » répondit-elle doucement. « Mais tu sais, j'ai l'impression que tout cela n'est qu'un rêve ou une mise en scène, comme si je n'étais qu'un personnage dans un roman à l'eau de rose au moment de la déclaration enflammée. » Assis sur un tabouret, Inès Otero, sa témoin et célèbre sculptrice, esquissa un sourire amusé sans lever les yeux de son carnet. Elle dessinait Camille en pleine préparation, capturant chaque détail avec une précision presque révérencieuse. Si tu es l'héroïne d'un roman à l'eau de rose, alors tu en es l'archétype parfait, la beauté simple et irrésistible qui fait chavirer les cœurs, répondit Inès en traçant un dernier coup de crayon. Mais tu n'es pas figée entre deux pages, tu es le mouvement, la vie. Même dans cette robe parfaite, il y a en toi quelque chose d'indomptable, quelque chose qu'aucune convention ne pourra jamais dompter. Touchée par ces mots, Camille détourna légèrement le regard, amusée par leur ironie involontaire. Sous cette robe et cette mise en scène savamment orchestrée, elle restait celle qui n'hésitait jamais à briser les règles lorsque cela s'imposait. Ses doigts longs et fins effleurèrent un collier de perles posé sur la coiffeuse. Ce bijou, transmis de génération en génération, portait en lui le poids de la tradition et une charge émotionnelle qu'elle peinait encore à comprendre. Selon la légende familiale, c'était ce sautoir qui aurait inspiré Gustave Courbet pour le collier figurant dans son œuvre Le Sommeil, après que l'artiste eut aperçu l'une des aïeules de la baronne Le Portet. Ce détail, à la fois anecdotique et mystérieux, conférait au bijou une aura presque surnaturelle. Camille hésitait un instant avant de le passer autour de son cou. Les perles froides glissèrent délicatement sur sa peau, comme une caresse du passé venant bénir cet instant suspendu. « J'espère que Victor me verra ainsi, » murmura-t-elle presque pour elle-même. « Pas comme une mariée idéalisée, mais comme moi. » La coiffeuse, souriante, fixa les dernières mèches avec précision, laissant apparaître un chignon élégant et légèrement flou, duquel s'échappaient quelques boucles encadrant son visage. Elle recula d'un pas, admirant son œuvre. « Mais c'est aujourd'hui que tu déploies tes ailes, comme une chenille qui abandonne enfin ses salopettes pour devenir un papillon majestueux, » lui murmura-t-elle avec tendresse. « S'il cherchait une comtesse ou une marquise, il découvrira aujourd'hui, comme nous tous, qu'il est sur le point d'épouser une reine. » Inès, satisfaite de son esquisse, posa son carnet sur un guéridon et s'approcha avec assurance, tenant le voile entre ses mains. « Je peux te l'assurer, Camille, il n'a jamais rien vu d'aussi éblouissant. Allez la marier, le chef-d'œuvre est presque achevé. » Camille se leva, un mélange de grâce et de nervosité imprégnant chacun de ses gestes. La robe glissa sur elle-même comme une seconde peau, épousant parfaitement sa silhouette svelte. Lorsque le voile fut délicatement posé sur ses cheveux, elle sembla se métamorphoser, comme si ce dernier détail scellait sa transformation. Elle se tourna vers le miroir, plongeant son regard dans son reflet. Ses yeux noisettes, profonds et lumineux, brillaient d'une intensité qui traduisait bien plus que l'émotion de l'instant. C'était un feu intérieur, vibrant, prêt à éclater. Adèle et Inès s'écartèrent légèrement, laissant Camille face à la psyché, dans cette chambre où le temps semblait suspendu. « Prête pour le plus beau jour de ta vie ?» demanda Inès, son ton à la fois taquin et sérieux. Camille prit une longue inspiration, posant une main sur le collier à son cou. Un sourire léger, mais empreint de confiance, éclaira son visage. « Oui, prête !» Sous les voûtes anciennes de la chapelle, chaque détail du décorum semblait avoir été orchestré avec une précision méticuleuse. Les fleurs blanches et bleues habillaient les bancs avec une élégance discrète, tandis que l'autel, couvert d'un linge brodé aux armoiries des Poisils d'Avron, se dressait avec majesté. La douce mélodie de la symphonie pastorale de Beethoven flottait dans l'air, infusant l'atmosphère d'une solennité profonde où l'excitation retenue des convives se mêlait à une émotion presque palpable. La chapelle, pleine à craquer, réunissait des invités triés sur le volet, chacun paré de tenues élégantes qui ajoutaient leur couleur et leur éclat à cette fresque vibrante d'émotion. Yacine, assis près de Totov, observait la nef avec curiosité, captivée par cet univers où le faste semblait se fondre dans le sacré avec une aisance presque irréelle. Il se pencha légèrement vers son voisin, son ton empreint d'une curiosité sincère. « Totov, je dis ça comme ça, mais... on n'est pas censé passer par la mairie avant. C'est pas une obligation légale, ça. » Totov, fidèle à son air nonchalant et à sa manière de prendre la vie comme elle vient, esquissa un sourire amusé. « Bien sûr, Yacine. » Ça a été fait la semaine dernière, dans les règles, juste entre les mariés et leurs témoins, pour pas trop se compliquer. Mais tu vois, dans la noblesse, le vrai mariage, c'est aujourd'hui, à l'église. Le reste, une formalité administrative, un papier, rien de plus. » Le jeune musulman, visiblement intrigué, haussa un sourcil avant de répliquer avec ce mélange de malice et de second degré qui lui était propre. « Ah ouais, donc en gros, c'est comme nous avec la mosquée. On fait l'état civil, fit ça, mais la vraie affaire, celle qui compte, c'est devant Allah que ça se passe. » Toto flasha un petit rire, discret pour ne pas casser le silence de la chapelle. « Grave, mon pote, que t'aies une croix, une kippa ou un kamis, au final, on fait tous pareil. » Faut croire que tout le monde a besoin d'une vraie cérémonie qui marque, un truc qui a du sens, bien plus que de juste signer des registres. Un sourire complice passa entre eux, tandis que Totov, d'un geste nonchalant, désignait les vitraux qui brillaient, les dorures de l'autel et l'orgue qui jouaient doucement en fond. Et puis ici, mon gars, c'est pas juste un mariage. C'est le full package, version premium. T'as tout, le château, la chapelle et même le prêtre. Je suis sûr qu'il passe à la téloge dans le jour du Seigneur, celui-là. Je te parie que même les anges des vitraux ont eu leur brief pour être top aujourd'hui. » Yacine pouffa discrètement, secouant la tête devant tant de désinvolture. « Un package luxe, hein ? C'est vrai que c'est un cran au-dessus de nos petites MJC, je dois bien l'avouer. Mais bon, ça sent charme aussi, hein ? La simplicité et tout ça. » Toto faussa les épaules avec son éternelle décontraction. « Et c'est comme les voitures, il y en a qui aiment les utilitaires, il y a les autres qui roulent en Rolls. Ici, on est clairement dans la catégorie Rolls. » Avant que Yacine ne puisse répondre, les premiers accords du prélude de Bach résonnèrent à l'orgue, enveloppant la chapelle et annonçant le début de la cérémonie. Les deux hommes se redressèrent d'un même élan, rejoignant cette assemblée où le sacré, les traditions et une pointe de théâtralité s'entremêlaient dans une parfaite harmonie. Dans la chapelle du château, baignée d'une lumière tamisée par les vitraux colorés, et désormais comble, le premier fit son entrée au bras de sa mère, la marquise Valériane. Éblouissante, dans une robe de soie prune aux reflets chatoyants, elle avança avec une grâce souveraine, sa main posée délicatement sur l'avant-bras de son fils. Victor, dans son costume gris anthracite parfaitement ajusté, marchait avec une assurance mesurée, bien que son regard trahît une nervosité contenue. À chaque pas, il se rapprochait de l'autel où l'attendait le moment solennel de sceller son union avec celle qui allait devenir son épouse. Arrivé au pied de l'autel, Valériane se tourna vers son fils, lui adressant un sourire chaleureux, empreint de fierté. Elle pressa doucement son bras avant de se retirer à sa place au premier rang, aux côtés du marquis. Victor resta là, seul, ses mains croisées devant lui, scrutant l'allée centrale avec une anticipation contenue. L'orgue change alors de mélodie, s'élevant dans une version douce mais triomphante de la marche nuptiale. Tous les invités se retournèrent dans un même mouvement. Camille apparut au bras de son père, le baron Edmond de la Modiquière. Élancée et gracieuse dans sa robe immaculée, elle semblait glisser sur le sol, comme portée par une force invisible. Edmond, imposant dans son costume de cérémonie, affichait une fierté palpable. À mesure qu'il remontait l'allée, chaque pas résonnait comme un écho au cœur de l'assemblée. Les boucles brunes de Camille, encadrées par le voile délicatement posé sur ses cheveux, captaient la lumière des chandeliers. Ses yeux noisettes, brillant d'une émotion contenue, ne quittaient pas Victor, qui la regardait avec une intensité presque magnétique. Arrivé à l'hôtel, Edmond s'arrêta, se tourna vers sa fille et déposa un baiser léger sur son front avant de prendre sa place parmi les invités. Camille, les mains légèrement tremblantes, se plaça face à Victor, qui lui tendit discrètement la main pour l'aider à se stabiliser. L'échange de regards entre eux fut bref, mais chargé d'une délicieuse complicité. Le prêtre, vêtu d'une chasuble blanche brodée d'or, symbole de joie et de solennité, ouvrit la cérémonie d'une voix posée, qui résonnait doucement sous les voûtes anciennes. Ces mots, soigneusement choisis, évoquaient l'amour comme un engagement sacré, un lien noble et intemporel. Il rappela que cette union s'inscrivait dans la lumière de la foi chrétienne à la croisée des héritages familiaux et spirituels. Arnaud, témoin de Victor, et Inès, témoin de Camille, se tenaient à leur côté. Leur regard, empreint d'émotion et d'une discrète fierté, accompagnait les mariés dans ce moment unique. Lorsque le prêtre annonça le moment des consentements, un silence profond s'abattit sur la chapelle. L'assemblée entière semblait retenir son souffle, comme si le monde extérieur avait cessé d'exister. Victor et Camille, vous avez écouté la parole de Dieu, qui nous révèle le sens de l'amour et du mariage, commença le prêtre, son ton empreint de gravité. Vous allez maintenant vous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte ? Victor et Camille échangèrent un regard chargé de complicité avant de répondre, d'une même voix ferme et claire, « Oui. » Vous allez vous promettre fidélité. Est-ce pour toute votre vie ? Leur voix, résonnant en parfaite harmonie, répondirent « Oui, pour toute notre vie. » Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents ? Oui, nous l'acceptons. Le prêtre se tourna alors vers Victor, l'invitant à faire sa promesse. « Victor, veux-tu prendre Camille pour épouse ?» Victor, les yeux plongés dans ceux de Camille, répondit avec une intensité émouvante « Oui, je le veux. » « Camille, je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. » Puis, se tournant vers Camille, le prêtre poursuivit « Camille, veux-tu prendre Victor pour époux ?» Ses mains légèrement tremblantes, mais son regard rempli de douceur et de certitude, Camille répondit « Oui, je le veux. » « Victor, je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. » Un murmure d'émotion traversa l'assemblée lorsque Camille, suivant la tradition, leva doucement son voile. Victor découvrit alors pleinement son visage, illuminé par un mélange de sérénité et d'amour, et ne put réprimer un sourire. Le prêtre invita alors les témoins à porter les alliances. Arnaud, portant un coussin brodé sur lequel reposaient les anneaux, s'avança aux côtés d'Inès. Le prêtre bénit les alliances, ses gestes lents et solennels, conférant au moment une gravité particulière. Victor prit la main de Camille avec une douceur palpable, ses doigts effleurant les siens. En glissant l'anneau à son doigt, il déclara, avec une émotion contenue, « Camille, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. » Camille, son sourire tremblant légèrement d'émotion, prit à son tour l'anneau et le passa au doigt de Victor, répétant les mots d'une voix vibrante mais assurée, « Victor, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. » Le prêtre leva alors les mains au-dessus des mariés et prononça la bénédiction nuptiale. « Seigneur, bénis ces nouveaux époux, qu'ils soient unis dans ton amour, qu'ils trouvent dans leur union la force de surmonter les épreuves, la joie d'accueillir la vie et la paix de vivre ensemble selon ta volonté. » Puis, dans un sourire bienveillant, il déclara « Désormais, vous êtes unis par Dieu et par le sacrement du mariage. » Un murmure d'approbation parcourut les rangs, mais la chapelle resta silencieuse, suspendue à ce moment unique. Victor s'approcha doucement de Camille, leurs regards toujours rivés l'un à l'autre. Lorsqu'il l'embrassa, ce fut avec une tendresse infinie, scellant leur engagement devant Dieu et leurs proches. Le prêtre invita ensuite Victor, Camille et leurs témoins à signer les registres. Sous les yeux de l'assemblée, Arnaud et Inès rejoignirent les mariés près de la table disposée à gauche de l'autel, où un registre en cuir et en or les attendait. En cet instant solennel, l'orgue s'éleva avec une interprétation feutrée de l'Allegro vivace de Handel, conférant une gravité presque céleste à la scène. Les appareils photos crépitaient doucement, fixant à jamais ce moment où deux vies s'entremêlaient pour l'éternité. Victor, premier à signer, traça son nom d'une main assurée avant de tendre le stylo à Camille. Elle, avec un sourire radieux, ajouta son nom à ses côtés, scellant symboliquement leur union non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Arnaud, avec sa décontraction habituelle, et Inès, visiblement émue, apposèrent à leur tour leur signature en tant que témoins privilégiés de cette union. Une fois les registres signés, le prêtre bénit une dernière fois les mariés avant de les inviter à conduire l'assemblée hors de la chapelle. Victor, au bras gauche de Camille, s'avança vers la porte sous le regard admiratif et joyeux de leurs proches. À l'extérieur, la lumière du jour, désormais plus éclatante, accueillit les mariés dans une explosion de couleurs et de rires. Les enfants d'honneur, vêtus de leur tenue élégante, ouvrirent le cortège, lançant des poignées de pétales de roses blanches et de lavande dans les airs, créant une pluie délicate et parfumée. Le couple radieux avançait sous cette pluie florale, le regard éclatant d'une joie contagieuse. Derrière eux, les parents des mariés suivaient, tout sourire, en se tenant bras dessus, bras dessous, précédant les autres membres de la famille. Les témoins et les amis proches complétaient le cortège, leur enthousiasme se mêlant à l'excitation générale. À la sortie de la chapelle, un canon de confettis libéra un tourbillon de petits cœurs en papier doré qui tourbillonnèrent autour du couple comme une bénédiction festive. Une fois sur le parvis, Camille se retourna, un sourire radieux éclairant son visage. Dans un geste attendu par tous les célibataires de la noce, elle leva son bouquet, détournant délibérément le regard pour ne pas influencer son lancer. Avec une élégance naturelle, elle envoya les fleurs en arrière, traçant un arc parfait dans l'air. Le bouquet, composé de roses blanches et d'hortensias bleues perles, sembla flotter un instant, comme suspendu dans le temps, avant de redescendre en une courbe gracieuse. Des éclats de rire et des exclamations joyeuses fusèrent, tandis qu'un groupe de jeunes femmes se pressait en riant, levant les bras dans une joyeuse mêlée pour attraper ce symbole d'espoir et de promesse. Alors que les fleurs allaient toucher le sol, une main plus rapide que les autres surgit. Adèle, la sœur aînée de Camille, s'empara du bouquet avec une grâce inattendue, provoquant une explosion d'applaudissements et de rires autour d'elle. Visiblement ravie, elle leva le bouquet en signe de triomphe, un sourire éclatant attirant tous les regards. Parmi l'assemblée, les applaudissements particulièrement démonstratifs d'Arnaud Derboge, cousin et témoin de Victor, se firent remarquer. Avec un éclat malicieux dans les yeux, il s'avança légèrement et lança d'un ton enjoué. « Eh bien voilà une chance qui sourit à la plus charmante !» Adèle, amusée mais légèrement troublée par cette attention, esquissa un sourire en réponse. Elle leva le bouquet avec une élégance naturelle, comme pour saluer la remarque. « Je crois qu'on appelle simplement ça le hasard, » répondit-elle en riant doucement, tout en évitant soigneusement de croiser le regard un peu trop appuyé de son soupirant. L'assemblée éclata de rire, prolongeant ce moment où le jeu et les sous-entendus se mêlaient à l'ambiance légère et festive. Camille, quant à elle, observait la scène avec une complicité amusée avant de descendre les marches du parvis pour rejoindre son époux dans un éclat de bonheur partagé. Puis les mariés, rayonnants, prirent la tête du cortège et descendirent les marches de la chapelle, guidant leurs invités vers le bain d'honneur installé dans les jardins du château. La lumière du soleil, douce et dorée, caressait leurs visages d'une chaleur bienveillante, tandis que derrière eux, le cortège s'étirait dans une joyeuse procession. Des rires, des éclats de voix animés et une allégresse contagieuse flottaient dans l'air, tissant une harmonie parfaite avec ce jour d'été. Victor, serrant doucement la main de Camille dans la sienne, se tourna légèrement vers elle. Sous le ciel éclatant, le murmure lointain des conversations formait un arrière-plan apaisant. Il la regarda avec une tendresse sincère, un sourire à peine esquissé aux lèvres. « Alors, comtesse, êtes-vous prête pour cette aventure ?» Camille, impeccable dans sa robe immaculée, leva les yeux vers lui. Ses prunelles noisettes, pétillantes de lumière, renvoyaient un éclat que lui seul pouvait percevoir. Une pointe d'ironie malicieuse mêlée à une détermination sans faille. Cette assurance tranquille, qui l'avait fascinée dès le premier jour, brillait avec une intensité intacte. « Avec toi, toujours » murmura-t-elle, ses mots vibrant d'une promesse indéfectible. Leurs mains restèrent liées un instant de plus, comme pour savourer pleinement ce moment suspendu. Puis, dans un même élan, ils reprirent leur marche, guidant leurs invités à travers les allées fleuries des jardins du château. Entourés par la chaleur de leurs proches et l'effervescence festive, ils incarnaient l'image parfaite d'un couple uni par l'amour et les traditions. Et pourtant, derrière l'éclat irréprochable de ce tableau idyllique, se cachait une réalité bien plus sombre, tissée d'ombre et de silence, méticuleusement entretenue. Le comte et la comtesse d'Avron, figures respectables de la haute société, étaient aussi les souverains d'un empire clandestin. Leur laboratoire secret, cœur d'un réseau de distribution de stupéfiants, qui étendait ses ramifications jusqu'à la région parisienne. Sous le ciel clément qui semblait bénir leur union, leur regard complice trahissait bien plus qu'un simple amour, une ambition sans limite, une alliance forgée dans l'audace et la rouerie, et une indéniable réussite insolente. On raconte que leur existence, après ce jour radieux, fut marquée par une alchimie unique, un équilibre délicat entre complicité sincère et duplicité habile, mais par-dessus tout, par un amour profond qui les façonna, les élevant l'un et l'autre vers des sommets qu'ils n'auraient jamais atteints seuls. Quant à savoir s'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, disons seulement que leurs descendants, bien des années plus tard, vous chuchoteraient encore à l'oreille que tout commença ici, sous ce ciel d'été éclatant, tandis qu'une pluie de pétales voletait autour d'eux. Ainsi s'achève, Valsembleu, par Arnaud Fontaine.